Le savant coréen aux États-Unis Kim Hong-jin a inséré le 4 courant en son écrit dans le journal d'internet des Coréens aux États-Unis Minzok Tongsin. Il a indiqué notamment: en vue de troubler l'esprit et l'idéologie de la Corée, les impérialistes américains et leurs laquais tracassent la Corée sur le plan politique, militaire, économique, diplomatique et culturel et livrent des actes d'hostilité comme menaces, blocus, dénaturation d'histoire, complots et conspirations, prolifération religieuse et superstitieuse, campagne démagogique onusienne autour des droits de l'homme, etc. Mais ils ont subi une défaite complète devant l'idéologie de la Corée. La victoire de la Corée sert d'exemple pour les nations opprimées du monde entier et fait l'objet de leur respect.